marche doucement. Parce que tu marches sur mes rêves. Marcher sur mes rêves. Sur mes rêves. Marcher sur mes rêves. Comment vivre ses rêves? Quand l'humanité ne laisse aucune trêve à la vie. Ah là oui, c'est déstabilisant, comprend, c'est comblant de désespoir de voir la population. Je me sens à part, seul sans amis dans l'autre monde. À part ça, je fonde mes rêves à fond, je veux vivre mes rêves. Pacifiquement, faut qu'on sève pour une trêve, un avertissement général. Écoutons les messages, les signes, ce serait plus sage. Maya, Opi, ouvrons les yeux, on mérite mieux. J'ai pas de leçon à faire pour une humanité tout entière. Mes mères, mes rêves sont les tiens sont les miens. À ébranler les miens, tu déstabilises les tiens. Alors mollo, mollo, la roue tourne, chacun son golo, golo. T'es pas moins mino que ton mino. Pourquoi tuer les animaux? Ici, on nous appelle les marginaux. Parce qu'on part en rando comme dans la quête du Graal. Parce qu'on se demande pourquoi il existe des différences raciales. On vient tous du même coin, du même grain de poussière. Si petit dans l'univers, on est tous des terriens. Jusque là, loué à des ambitions politiques, à un train-train de saturation psychologique, à une vie mise en mode robotique, emprisonné dans la matrice, dans un abysse de vice, un précipice. Faut qu'on réagisse avec en arme la fleur de lys. Marche doucement, tu marches sur mes rêves. Et mes rêves sont les tiens sont les miens. À ébranler les miens, tu déstabilises les tiens. Tiens, bon cœur à l'unisson, nous ne faisons qu'un. Marche doucement, tu marches sur mes rêves. Et mes rêves sont les tiens sont les miens. À ébranler les miens, tu déstabilises les tiens. Tiens, bon cœur à l'unisson, nous ne faisons qu'un. Nous ne faisons qu'un. Arabe, indien, américain, asiatique, africain, européen, noir, blanc, rouge ou jaune. Terriens, musulmans, bouddhistes, juifs ou chrétiens. Notre Dieu ne soutient pas la guerre et ses assassins. Une intelligence qui vire à l'autodestruction. Une enivrance de pouvoir qui mènera à la stupéfaction. Une monopolisation de croyances et d'idées pour asservir argent, profit et cupidité. Sectarisation de bonne philosophie, ablation de l'espoir et de la vie. Manipulation de choix et de liberté. Ouvrons les yeux, rattrapons le retard. Panne de réveil, on nous rentre dans le lard. Pacifiquement levons-nous, boycott. Ils ont de moins en moins la côte, côte, côte. Les poules se rebellent, révolution pacifique à la. Changement de train de vie, les gens se sont levés. Oui, sans aucune goutte de sang versé. On a réussi à les renverser. La vie est belle dorénavant, la vérité a percé devant. L'espoir s'est révélé enivrant. On est totalement au contrôle des commandes. Plus de réprimande d'amende, ce n'est plus une légende. L'amende a éclos, on est sorti de l'enclos. Plus de barrières, de la lumière, libéré de la haine et de la guerre, c'est ça qui a sauvé la terre. Le climat n'en avait rien à faire. Mais maintenant, notre savoir est grand, responsable de notre pouvoir. Il y avait tant de choses à pourvoir, tant de lignes à revoir pour nous sortir du noir, tant de choses redoutées. Finalement écarté, tant de gens doutaient. Mais la vérité a éclaté. On s'est enfin débarrassé de la guerre. On arrive enfin à respecter la terre. Tous en route pour la nouvelle ère.